Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Il faut parler également des sorties CD et des découvertes de Sophie Laforêt. Bon matin, Sophie. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, tu t'es remis des jeux de la com? Ben oui, là, je te dirais jour 3, là, mercredi. C'est pas mal. Je suis pas mal sur mon rétablissement. Ouais, tu vas-tu nous expliquer tout ton procédé ou t'as mieux pas? Ben non, mais pour faire simple, en fait, c'est que c'était à Moncton. Donc, tout d'abord, ouais. On est parti mardi passé à minuit. Puis, on a fait la route de nuit. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui dort facilement dans les transports en commun. Donc, on peut dire que j'ai passé une nuit blanche dans la nuit du mardi au mercredi. Mais le mercredi, il fallait vivre toute notre journée. Ouais. Puis, mercredi, on s'est pas couché avant 3 heures du matin. Hi, party? Donc, ouais, mais c'est oui, partez, mais aussi c'est que même il y a des épreuves comme impro qui se font en soirée, puis on quittait le bar à 1h du matin, donc le temps de revenir à l'hôtel, de se coucher, tu sais. Ça prend du temps. Ouais, donc voilà, c'est un peu le genre d'horaire qu'on avait là-bas, donc c'est pour ça que je suis fatiguée, mais ça va. Je vais y aller tout de suite avec les sorties CD intéressantes de la semaine. Mais certainement. Donc, premièrement, je pense que toi, t'es un fan de Jimi Hendrix. J'aime bien Jimi Hendrix, ouais. Donc là, il sort un album que jamais... j'avais lu ça. Paru de son vivant. Oui, exact. Donc, l'album Valleys of Neptune, qui est paru hier, 40 ans après sa mort. Donc, Jimi Hendrix qui est mort en 70, donc ça va faire 40 ans. Je sais pas exactement quand dans l'année 70, mais bon, cette année, bref, ça va faire 40 ans. C'est bientôt, il me semble. C'est bientôt. Oui. Puis, ce vendredi, à l'émission d'Alain Lefebvre, donc rock classique, il va être question de cet album-là pour les intéressés. Donc, je vous invite à écouter l'émission. Une autre sortie intéressante, Gorillaz, donc qui fait paraître son album, son troisième album studio, Plastic Beach. Oui. Et donc ça, c'est 5 ans après son deuxième album, Demon's Day. Donc ça risque, Demon's Days, pardon. Donc ça risque d'être fort intéressant. Moi, j'aime bien leur son qui est complètement fou à Gorillaz. Ça sonne très bien, Gorillaz. Oui. Ça faisait longtemps, justement, j'attendais là, de renouveler. Parce que Gorillaz, en plus, c'est un des groupes qui m'a donné le goût de me remettre à jour musicalement. Parce qu'avant, j'écoutais juste de la vieille musique, puis je m'intéressais pas du tout. Et là, j'entends ça, je fais « Oh, c'est bon ». Avec toutes la participation d'artistes de plusieurs groupes, mis ensemble, dont Blur, je pense. Oui, ben en fait, il y a un ou deux membres qui étaient dans Blur avant. Mais personnellement, je les connais pas beaucoup. Mais entre autres aussi, Gorillaz, qui est un groupe fantôme d'une certaine façon. On voit jamais les musiciens comme tels, c'est tout le temps les personnages animés. Ils ont fait des shows aussi donc avec des marionnettes. On les voit jamais. Ils sont bizarres. Ils veulent garder l'anonymat. Hey, juste en passant, c'est le 18 novembre 1970 qui est décédé Jimi Hendrix. Donc, c'est à la fin de l'année que ça va faire 40 ans déjà. Eh oui. Puis, moi, je m'en souviens pas quand il est mort, j'étais même pas là. Non, on n'était pas nés, nous autres. On est jeunes, comme diraient les autres. Kiwan puis Mathieu, oui, par exemple. Eux qui fêtent leur 38 ans d'émission de... Assemblage requis, évidemment. Oui. 38 ans, sans émission en 38 ans, c'est deux émissions par année. Ouais, deux émissions et quart par année. Oui, c'est pas pire. Ouais. Une autre sortie intéressante de la semaine, Bessnard Lakes, j'en avais parlé il y a quelques semaines parce qu'il avait fait paraître un premier extrait. Donc là, c'est l'album complet qui est paru hier. C'est une formation montréalaise qui fait dans un rock expérimental, donc Bessnard Lakes avec l'album « The Bessnard Lakes Are the Roaring Night ». Et avant-dernière sortie CD intéressante, c'est une formation que Jean-François Fecteau, notre collègue à C'est fou qui anime le vestibule, m'a fait découvrir cette semaine. Porte qui ferme. Oui. Oui. Donc, la formation, c'est Dark, Dark, Dark. Sombre, sombre, sombre. Oui, et leur mini-album s'appelle Bright, Bright, Bright. Oh, clair, clair, clair. Oui. Génial. C'est bon. Hein? Hey, c'est concept. C'est vraiment concept. Donc, c'est une formation américaine. Qui fait dans... en fait, j'ai entendu un extrait là, pour être franche avec vous, mais l'extrait m'a totalement convaincue et il est disponible en téléchargement gratuit donc sur le site www.brightbrightbright.com. Donc, ça risque de plaire aux fans de Florence and the Machine. Donc, c'est lyrique, mais avec une lourdeur un peu plus sombre. Justement. C'est gratis. C'est gratis. Gratis, c'est le fun, cet extrait-là. Ça. Et là, la dernière sortie CD dont il est question, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Oui. Soit la formation Broken Bells avec un album éponyme. C'est un duo de Los Angeles, donc un nouveau projet, donc un premier album qui est paru hier pour ce duo, qui est composé notamment du chanteur de la formation The Shins. Donc, en tout cas, une très bonne formation indie que j'apprécie. On les a entendus notamment dans le film Garden State. Voilà, ça fait longtemps. Je répondrai encore. En tout cas. Ça m'échappe. J'essaie de donner des références quand même. On va aller entendre un extrait. Comme ça, après, je vais pouvoir vous en parler. Puis vous allez voir si vous aimez ça. Bien sûr. La pièce de Ghost Inside. Et en tout cas, c'est intéressant. C'est un peu plus funk que ce que j'écoute d'habitude. On va entendre ça. On va entendre ça dans le cadre de Sérotonine, bien sûr. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. Hein, c'est dans votre radio. Comme dirait un autre gars qui dit c'est dans ta TV. Mais nous autres, on est à radio. On ne dit pas ça. Donc voici Broken Bells avec The Ghost Inside, c'est bien ça? Yes! Oui, voilà, donc on débute avec ceci. Merci Sophie pour tes choix musicaux. On vient dans quelques instants pour parler du groupe. Ce que je pense. Donc, et oui, on avait une petite discussion par rapport à la vie en général avec Sophie Laforêt qui nous présente aujourd'hui The Broken Bells. Ou simplement Broken Bells, il n'y a pas de The. Non, il n'y a pas de The. Ah, mais bon. Moi, je dis qu'on peut tout le temps racheter si on veut. Ben oui, ben c'est plus beau, moi, je trouve. Mais c'est parce qu'il y a une grosse mode des The. Des The. Fait que ça, c'est juste Broken Bells. Oui. Puis donc, c'est ça, c'est un duo qui vient de Los Angeles, composé, comme je le mentionnais tout à l'heure, du chanteur de la formation The Shins et de James, qui s'appelle plutôt James Mercer, et de Brian Burton, qui lui est producteur, notamment avec Gorillaz, dont on a parlé tantôt, avec The Black Keys, Beck, puis il a été aussi producteur de Sparkle Horse. Donc, on a appris que le chanteur s'était suicidé en début de semaine. Donc, ah ouais. De ce groupe-là, ouais, Mark Linkus. Moi, je connaissais pas le groupe Sparkle Horse. Puis, quand j'ai vu que le chanteur s'était suicidé, je suis allée écouter c'est plate. Des fois, c'est comme ça que ça commence. Puis c'est un très bon groupe. Très bon projet. Ah bon, ben, je prends note. Puis je vérifierai moi aussi. Une drôle de manière de découvrir des groupes, mais bon. Puis pour revenir à Broken Bells, donc ils ont une histoire assez intéressante. Ils se sont rencontrés dans un festival de musique danois en 2004. Okay. Puis en discutant, les deux se sont rendus compte qu'ils étaient fans l'un de l'autre. Ils ont décidé de faire de la musique ensemble. Puis ils ont commencé de façon secrète en 2008 à enregistrer cet album-là, donc en mars 2008. Puis un an plus tard, l'album sort. Puis leur musique, je dirais que c'est à la fois mélodique, mais avec une petite touche expérimentale. Puis comme je disais, c'est différent de ce que j'écoute habituellement. Là, ça a un côté beaucoup plus relevé, beaucoup plus funk. Ouais. Je sais pas, là, ça a quelque chose. Ça a de la vie. Ouais, ça a de la vie. Puis l'album en entier, il y a certaines pièces que je me voyais bien là, danser là-dessus. Mais c'est génial. T'as l'air plus heureuse aussi depuis que t'écoutes ça. Ouais, l'air, hein, c'est vrai. Rayonnante. Ouais, ça, puis le printemps, là, ensemble, là, Broken Bells. T'as les yeux qui changent de couleur, du vert au bleu tout le temps. Ouais, tout le temps. Ça flash dans le noir aussi. Puis, donc, le premier extrait qui est paru, c'est High Road, et il est disponible gratuitement sur leur site Internet depuis le 21 décembre. Et pour parler un peu de similitudes, je vous dirais que, je sais pas pourquoi, moi, des fois, ça me fait penser à U2. J'ai aucune idée pourquoi. Il y a une chanson qui me fait penser à The Cure, une autre qui me fait penser à Postal Service. Ah oui, mais c'est des influences. Des influences, puis finalement, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu des critiques. Moi, j'aurais pas fait cette référence-là parce que je connais pas assez les Beach Boys pour ça, mais il y a des gens qui faisaient des comparaisons avec les Beach Boys. Ah oui? Est-ce qu'on sait c'est au niveau des harmonies, au niveau des arrangements? C'est une bonne question. Vu que moi, je connais pas très bien les Beach Boys, même si elle fait référence aux arrangements ou aux harmonies, ça m'aurait pas plus dit quelque chose. Fait que là, j'avais hâte de t'en parler, justement. Ben, je vais porter une oreille plus attentive, justement, oui, pour te dire à ça. La prochaine pièce. Ben, peut-être, c'est sûr que ça change. Comme là, la pièce qu'on a entendue est vraiment plus trip-hop, funk, hip-hop à la limite. Puis la prochaine est vraiment plus acoustique. Encore là, les arrangements sont intéressants, mais d'une pièce à l'autre, c'est très différent ce qu'ils nous offrent. Ah, ben c'est génial. Écoute, donc, oui, vas-y. Excuse-moi. Est-ce qu'on y va tout de suite dans la musique? Je voulais dire qu'on allait tout de suite entendre l'autre pièce. Parfait. Donc, la pièce Vaporize de l'album Broken Bells, de la formation Broken Bells. Très bien, mais merci beaucoup, Sophie Laforêt. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est ce qui concluait la chronique Stérotonine pour aujourd'hui? Oui. On te revoit demain? Oui. Génial. Donc, on va aller entendre Vaporize de Broken Bells. Et dans quelques instants, Stéphane Morancier va venir faire un tour éclair pour venir nous parler des activités de la chasse-galerie du 10-12. Mais pour le moment, voici Broken Bells Vaporize. Voilà. Oh, oui, acoustique. What amounts to a dream anymore? A cruel device, a villain outright. A simple plan, we'd be different from the rest and never resign to a typical life. Live.